Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la lettre de la petite Samantha Smith au président Andropov. Let's begin at the beginning. What did you write to him, and then what did he write back? Well, I asked him, why do you want to conquer the world? And he wrote back to me and said that he wanted nothing of the kind. Quand le célèbre animateur de télé américaine Ted Koppel demande à Samantha Smith ce qu'elle a écrit dans sa lettre au président soviétique Yuri Andropov et ce qu'il lui a répondu, la petite Samantha répond très candidement qu'elle a demandé au président Andropov pourquoi il voulait conquérir le monde et qu'il lui a répondu que ce n'était pas du tout son intention. Nous sommes au mois d'avril 1983, en pleine guerre froide. Deux mois et demi plus tard, en juillet 83, la petite Samantha va s'envoler en compagnie de ses parents vers Moscou à l'invitation du président Andropov. Le monde entier va dès lors se passionner pour le voyage de cette jeune ambassadrice de la paix en URSS. Eh bien, maintenant, on va vous présenter Samantha Smith, une petite Américaine de 11 ans. Ce soir, elle s'est envolée de Montréal vers Moscou, toutes dépenses payées par le président Yuri Andropov d'Union soviétique. André Bédard l'a rencontrée pendant son escale à Montréal. L'aventure de Samantha a commencé il y a quelques mois, alors qu'elle faisait parvenir une lettre dans laquelle elle demandait au secrétaire général de l'Union soviétique pourquoi son pays voulait dominer le monde. Quelques semaines plus tard, Yuri Andropov lui répondait personnellement, affirmant que son pays voulait la paix. Par la même occasion, le numéro 1 soviétique invitait Samantha et ses parents à lui rendre visite en Union soviétique. Aujourd'hui, les Smith ont quitté leur petite ville d'Augusta dans le Maine et ils ont fait escale à Montréal où ils ont été accueillis par le consul de l'URSS. Visiblement fatiguée mais toujours pétillante, Samantha s'est prêtée de bonne grâce aux questions des journalistes. Je lui ai d'ailleurs demandé ce qu'elle comptait dire à Yuri Andropov. If I do get to meet him, I want to ask him that if he gave me his word that Russia wouldn't start a war, and we say America says that we won't start a war either. Then why do we keep making bombs for a war if there's nobody to start it? Extrait du téléjournal du 7 juillet 1983. À la fin de cet extrait, vous entendez la jeune Samantha Smith qui explique qu'elle demandera au président Andropov s'il le rencontre pourquoi il continue de fabriquer des bombes pour faire la guerre si c'est vrai que les Américains, tout comme les Soviétiques, ne veulent pas d'une guerre. Pour nous raconter l'incroyable histoire de cette jeune Samantha Smith, mon invitée Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Le point de départ, au fond, Karine Prémont, de cette histoire-là, c'est la peur qu'on a à ce moment-là d'une guerre nucléaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a aussi peur d'une guerre nucléaire au début des années 80? Il y a beaucoup d'éléments. Le premier et le plus important, c'est l'arrivée de Reagan à la Maison-Blanche. Après le discours pacifiste axé sur les droits humains de Jimmy Carter, Ronald Reagan arrive avec un discours farouchement anticommuniste, plutôt agressif, porté sur le réarmement des États-Unis. Et il y a plusieurs événements aussi qui vont venir accentuer cette crainte-là. Tout d'abord, le Sénat qui va refuser d'entériner les accords de SALT II en 1979 parce que les Soviétiques vont envahir l'Afghanistan en pleine négociation. Alors, ça met un frein à ces ententes de désarmement réciproque entre les deux pays que sont l'Union soviétique et les États-Unis. Il y a la crise des euromissiles aussi, fin des années 70, début des années 80, quand les Américains veulent installer des missiles en Europe de l'Ouest pour répliquer effectivement aux missiles soviétiques installés en Europe de l'Est. Et il y a aussi le fameux programme de guerre des étoiles de Ronald Reagan, ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique, dans ces termes plus sérieux, qui visait à créer une espèce de bouclier antimissile pour se protéger d'éventuels missiles soviétiques. Alors, on est dans cette escalade de la menace, de la crainte d'une guerre nucléaire. Et c'est ça, entre autres, qui insécurise à la fois les Américains, mais aussi les Soviétiques. Ouais. Durcissement, ça c'est sûr, et de la part des États-Unis dans un premier temps. Et puis, il faut le dire aussi, l'arrivée d'Andropov, il vient d'arriver à ce moment-là à la tête de l'URSS, ça ne rassure pas non plus les États-Unis et le monde occidental. Qu'est-ce qui fait et pourquoi on a peur d'Andropov? Andropov a remplacé Leonid Brejnev en 1982. Et Andropov, c'est un ancien directeur du KGB. Alors, ce ne sont pas des gens qui ont la réputation d'être des doux à la tête du KGB. Alors, c'est quelqu'un qui a des positions extrêmement fermes, qui avait été au KGB pendant le fameux printemps de Prague et qui avait ordonné la fin de la dissidence. Il avait également été Dans les années 50, ambassadeur en Hongrie pendant la Révolution. Et là aussi, encore une fois, on punit la dissidence. Alors, il a un discours extrêmement fermé, extrêmement agressif lui aussi. Et donc, quand on a un président américain ancré dans ses positions et un dirigeant de l'URSS qui défend lui aussi des positions très fermes, très dures, très agressives, bien évidemment, on craint ce choc et on se dit, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, en fait, mais quand ça va arriver. On est vraiment dans cette ambiance-là. La guerre froide a son meilleur, si on peut dire. La petite Samantha, dans tout ça, quand est-ce et pourquoi elle décide, cette petite fille, elle a 10 ans, d'écrire au président Andropov? Mais en fait, dans les années 80, aux États-Unis, les enfants sont assez fréquemment exposés à des discussions à l'école, notamment, mais aussi dans les familles. On peut l'imaginer sur la guerre, sur le nucléaire, sur les confrontations avec l'URSS. On est dans cette grande vague anticommuniste, évidemment, aux États-Unis. Alors, elle entend ces discussions-là à l'école, mais c'est surtout lorsqu'elle va voir Andropov sur la couverture du Time Magazine en novembre 1982. Et l'image est assez sombre, est assez menaçante, en fait. Et la petite Samantha va demander à sa mère, bien, si tout le monde a peur de lui, pourquoi on ne lui demande pas de ne pas déclencher la guerre? Pourquoi on ne lui pose pas la question, est-ce que vous voulez déclencher la guerre? Alors, tout part de cette réflexion-là parce que sa mère va lui dire, bien, fais-le, écris-lui, demande-lui, effectivement, s'il veut déclencher la guerre. Et c'est ce qu'elle fera. Elle va écrire une lettre à Andropov. Et qu'est-ce qu'elle lui dit dans cette fameuse lettre, Karine Prémont? Essentiellement, avec ses mots d'enfant, elle va lui dire, je suis inquiète, je me demande si on va faire la guerre, pourquoi vous voulez la guerre, qu'est-ce qu'on a aux États-Unis qui vous dérange, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit amis. Elle évoque évidemment le fait que la Terre appartient à tous, que Dieu a voulu que tout le monde vive en harmonie, etc. Alors, simplement, elle lui pose la question, pourquoi vous voulez la guerre contre les États-Unis? C'est un peu au fond, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est qu'il y aura une réponse, mais c'est un peu une bouteille que cette gamine de 10 ans jette à la mer, mais ça va devenir beaucoup plus que ça. Bon, c'est elle qui écrit la lettre à Andropov, personne ne le sait, jusqu'à ce que cette histoire soit connue. Quand et comment découvre-t-on l'existence de cette lettre-là? On va le découvrir en avril 83. Et c'est un journaliste de l'agence de presse United Press International qui va contacter Samantha à l'école pour lui dire, écoute, il y a des extraits de ta lettre qui sont parus dans le journal La Pravda, en URSS. Donc, il y a des extraits, il y a un commentaire, parce qu'on se sert à ce moment-là dans La Pravda de la lettre de la petite Samantha pour parler de la propagande anti-soviétique que les enfants recevraient dans les écoles américaines. Et c'est là qu'elle apprend, en fait, que sa lettre s'est rendue et a fait tâche d'huile. Là. Et effectivement, ce sera confirmé plus tard par l'ambassade soviétique aux États-Unis. Parce qu'elles vont, la mère de Samantha va s'enquérir, puis on lui dit, il y a une réponse qui s'en vient. Elle arrive, cette fameuse réponse du président Andropov à la fin avril 1983. Qu'est-ce qu'il lui dit dans sa lettre? Il lui répond presque aussi candidement que ce que Samantha a écrit dans sa lettre. Il lui dit « C'est une jeune fille courageuse, honnête, et ta question, en fait, sur l'éventualité d'une guerre est sans doute la plus importante qu'on ne m'ait jamais posée. C'est la question fondamentale, en fait. » Et ce qu'il dit, évidemment, c'est de répondre à Samantha en soulignant que les États-Unis et l'URSS ont jadis été de grands alliés, notamment pour combattre l'Allemagne nazie, que l'URSS ne veut pas la guerre, que les Soviétiques sont un peuple pacifique, qui cherche simplement à vivre, à commercer, à avoir du plaisir, à être heureux, et qui sont très conscients de la responsabilité qu'incombe la possession d'une arme nucléaire et que, en fait, et les États-Unis et l'URSS ont ces armes-là dans l'espoir de ne jamais avoir à s'en servir. Alors, il lui sert un peu ce discours-là et il finit en disant « Nous voulons la paix, c'est ce que nous voulons. » Et c'est sous-entendu, tout ne dépend que de la bonne volonté américaine. Là, c'est un peu ça qui est sous-entendu, mais il ne le dit pas de cette façon-là. Ouais. Qu'est-ce qui pousse le président Andropov à répondre à Samantha? Non seulement il va lui répondre, mais il va l'inviter à venir en URSS. On revient au contexte général de l'époque, l'arrivée évidemment de Ronald Reagan à la présidence américaine, son idée d'une guerre des étoiles, cette idée de bouclier antimissile. Écoutez l'historien Andrei Kozovoy qui parle de ce contexte général. Pourquoi? Quel intérêt a Andropov à répondre à Samantha? On l'écoute dans cet extrait tiré du documentaire « Amour, haine et propagande » diffusé en 2011. L'Union soviétique n'a pas les moyens, en 1983, de se lancer dans une nouvelle course aux armements, cette fois-ci spatiale. Andropov va essayer de contre-attaquer Reagan en présentant cette nouvelle campagne de Reagan comme étant en réalité une campagne pour la guerre. Ça veut dire que si les Américains sont capables de détruire les missiles qui viennent les attaquer depuis l'espace, ça veut dire qu'ils ne craignent plus la guerre. Ils n'auront plus peur d'attaquer. Mais on peut imaginer qu'Andropov, dans ce contexte de l'époque, cherchait à donner une image de lui-même qui soit une image de pacifique. Et quel est le meilleur moyen que de prouver cela? Eh bien, c'est d'inviter une petite fille à venir constater par elle-même que les soviétiques sont des gens comme les autres, qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils ne veulent pas la guerre, c'est pas des fous, hein, avec des couteaux entre les dents. Extrait donc de cette série documentaire « Amour, haine et propagande » diffusée en 2011. Quel objectif il poursuit? Il y a des éléments intéressants de réponse dans ce que vient de dire Andrei Kozovoy. Mais pourquoi diable Andropov répond-il et invite-t-il la jeune Samantha Smith en URSS? Parce que c'est une opportunité en or pour lui de rejeter le fardeau de la preuve, autrement dit, sur les États-Unis, de pointer du doigt les États-Unis en disant « Nous sommes pacifistes, c'est Reagan, c'est son entourage qui veulent la guerre. Ce sont les États-Unis, en fait, qui constituent une menace à cette stabilité internationale. » Il va pouvoir faire ça à très peu de frais, c'est-à-dire le voyage de la famille Smith à Moscou et à Leningrad. Une histoire formidable. Sur le plan de la relation publique, des relations publiques, c'est merveilleux. C'est parfait. C'est un scénario digne d'Hollywood, comme on dit. Ça ramène ces grandes questions géopolitiques à des questions humaines. Une petite fille qui va incarner cette inquiétude et qu'on invite en URSS. Et ça va profiter à tout le monde parce qu'effectivement, on le disait au début de l'émission, tout le monde craint cette guerre nucléaire, mais Samantha Smith va réussir à simplifier cette crainte-là, à mettre des mots très simples sur cette crise-là et à demander des comptes aux dirigeants, en fait. Oui. Et autrement dit, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, mais pourquoi vous nous mettez dans cet état d'insécurité? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mm-hmm. Et Andropov, lui, va avoir le flair politique de saisir cette opportunité-là pour désamorcer un peu la crise, pour dire, nous ne voulons pas. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont prêts aussi à faire des concessions? Elle va donc, Samantha Smith, partir vers l'URSS, s'envoler vers Moscou avec sa famille en juillet 1983. Ils vont passer 2 semaines en territoire soviétique. Extrait du téléjournal du 9 juillet 1983. Première journée à Moscou de Samantha Smith, l'écolière américaine invitée de Yuri Andropov et devenue en quelque sorte ambassadrice de la paix. Ce sont les obligations protocolaires qui ont pris le dessus durant ses premières heures à Moscou. Samantha, accompagnée de ses parents, a reçu un accueil réservé habituellement à un ministre à son arrivée à l'aéroport. D'ailleurs, elle a été transportée toute la journée dans les rues de Moscou dans une limousine réservée généralement aux dignitaires du régime. Les médias soviétiques lui ont réservé une place de choix, la télé ayant même ouvert son journal sur elle. Heureusement, Samantha a quand même eu droit à un peu de loisir, un spectacle au Théâtre des marionnettes de Moscou. Demain, à l'ordre du jour, visite du Kremlin de la Place Rouge avant de s'envoler pour la Crimée, où elle doit passer 4 jours au bord de la mer Noire. Le grand traitement, donc, pour Samantha Smith, Karine Prémont, comment ça se déroule? Ce séjour, ça va durer 2 semaines de Samantha et de sa famille en URSS. Elle rencontre effectivement plusieurs dignitaires. Elle va visiter les grandes villes, Moscou, effectivement, Leningrad, qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Elle va aller dans un camp de vacances à Artek, au bord de la mer Noire. Donc, elle fait la grande tournée, si on veut, des principaux attraits touristiques qu'offre l'URSS, à tout le moins dans cette partie de l'URSS. Elle va aussi s'adresser à des enfants de son âge, dans le camp de vacances, effectivement, dans d'autres circonstances bien organisées, on peut l'imaginer. Elle va s'adresser à des journalistes soviétiques également. Donc, elle fait une tournée, autrement dit, de diplomate d'une certaine façon, mais on peut imaginer qu'elle se promène pas librement en URSS. Là, elle est encadrée. On lui montre des choses de façon précise. On organise sa visite et celle de sa famille. Et au fond, on montre au monde, parce qu'il y a une couverture médiatique énorme, on montre au monde cette URSS pacifiste, mais plus que ça. Là, on est dans la propagande moderne qu'on veut montrer. On veut montrer le visage humain, on veut montrer la population. Et vous l'avez dit, les Soviétiques ne sont pas un peuple agressif avec le couteau entre les dents. C'était une belle image parce que ce qu'on veut démontrer, c'est que nous sommes tout le monde sur cette planète à peu près semblable. On vit de la même façon et nos enfants sont comme vos enfants. Et c'est important de mieux se connaître pour mieux se comprendre ultimement. Je pense que c'est ça le cœur de cette visite. Et partout, évidemment, où passe Samantha Smith, il y a des caméras de télévision. Oui. Cette histoire-là va passionner les Soviétiques, va passionner les Américains. Ce voyage-là est extrêmement médiatisé. Le Canada, on l'entend par les extraits, est aussi intéressé par ce qui se passe là, parce qu'elle a ce message de paix, parce qu'elle a ce message de simplicité, parce que tout le monde, en fait, est un peu accroché à ce qui se passe pour voir quelle sera la réponse, quel sera le retour de ce message de paix envoyé par Samantha Smith. Et on attend d'être rassuré sur cette histoire. Est-ce qu'elle va finalement rencontrer Yuri Andropov? Non, elle lui parle au téléphone. Ils discutent quelques minutes ensemble. Évidemment, Andropov lui dit « Je ne pourrais malheureusement pas te rencontrer. Je suis très occupée. » En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il est plutôt très malade. Il a des problèmes. Il a eu des insuffisances rénales au cours de l'été. Il sera hospitalisé. Il va mourir d'ailleurs en février 1984. Alors, il n'est pas en état de la recevoir lorsqu'elle est à Moscou. Ouais, parce qu'en fait, pour que l'exercice de... S'il avait pu la rencontrer, on peut assez facilement le deviner avec le recul, il est vraiment malade. Parce que l'exercice de relations publiques aurait été encore plus magnifique. Aurait été l'apothéose la de cette opération. La fameuse photo voilà. Dont rêvait probablement oui, le régime soviétique. Et sur les unes des journaux américains et soviétiques et en fait partout à travers le monde. Là, c'est la visibilité qu'il espérait, c'est le message qu'il souhaitait envoyer. Regardez, nous, nous sommes ouverts. Mm-hmm. Elle revient donc de ce voyage. Sa vie va être complètement changée par ce voyage en URSS. Comment ça se passe, son retour aux États-Unis pour elle? C'est un retour triomphal, on peut l'imaginer, parce qu'il y a très peu de gens à l'époque qui font des incursions comme ça en territoire ennemi, entre guillemets, qui se rendent de l'autre côté du rideau de fer et qui en reviennent sains et saufs pour raconter ce qu'ils ont vu. Donc, Samantha Smith va faire, on peut l'imaginer, la tournée des émissions de télévision, va aller au Johnny Carson Show, qui à l'époque est la grosse affaire, comme on dit. Elle va aller là, elle va expliquer ce qu'elle a vu, elle va expliquer comment elle a parlé aux enfants qui étaient là, qu'est-ce que ces enfants-là lui ont dit sur la situation soviétique. Elle va faire des conférences partout à travers les États-Unis, va aller dans les écoles, etc. Elle va publier un livre aussi qui raconte son séjour de 2 semaines en Union soviétique. Et elle va aussi travailler à concocter une espèce de programme d'échange un peu particulier. Elle va aller au Japon en décembre 83 pour en parler, pour présenter ce projet-là. C'est un projet dans lequel elle soumet l'idée que les dirigeants du monde devraient envoyer leurs petits-enfants, leurs neveux et nièces à l'étranger dans des échanges pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour désamorcer les situations de crise. Évidemment, c'est pas bête. On peut imaginer que c'est pas facile de faire la guerre à un pays dans lequel se trouvent des membres de notre famille. Alors, c'est un peu l'idée derrière ça. Donc, elle va développer là, différentes idées. Elle va servir d'ambassadrice, en fait, à toutes sortes de projets de cette nature. Et qu'est-ce qu'elle va dire aux Américains quand elle revient de ce qu'elle a vu en URSS, quelle sera sa perception, le message qu'elle enverra, en fait, sur ce que sont les Soviétiques et sur ce qu'est ce pays? Ça va être très simple. Elle va dire, ces gens-là, c'est des gens comme nous. Ouais. Ils ont les mêmes craintes que nous, les mêmes ambitions que nous. C'est des enfants. Les enfants jouent comme nous. Les adultes se posent les mêmes questions que mes parents. Donc, elle va dire, ces gens-là sont comme nous. Je préfère vivre aux États-Unis. Oui, bien sûr. mais on n'a rien à craindre de ce peuple-là, à tout le monde. Ouais. Puis, ça va devenir... évidemment, elle devient populaire. On la connaît. Et Disney, entre autres, va profiter de ça. Elle va devenir une vedette, là, une vedette de la télévision. Oui, Disney Channel va lui offrir d'animer une émission spéciale qu'on va intituler « Samantha Smith Goes to Washington », en référence au fameux film « Mr. Smith Goes to Washington ». Et on est en pleine campagne électorale en 1984, en pleine campagne présidentielle. Et dans cette émission-là, elle va interviewer la plupart des candidats présidentiels. Elle va leur poser des questions, justement, sur leur position à l'égard de l'URSS, sur leur vision du monde. Et là, ça va lui donner beaucoup de visibilité. Elle obtiendra quelques petits rôles dans différentes comédies aux États-Unis jusqu'à temps qu'elle obtienne un rôle plus important, plus substantiel dans une nouvelle série qui s'appelle Lime Street, dans laquelle Robert Wagner va avoir le rôle principal. Donc, elle va commencer à tourner cette émission-là. Donc, sa vie, vous l'avez dit, a complètement changé. Ouais. Mais le 25 août 1985, tout s'écroule. The cause of the crash remains a mystery. The crash of Bar Harbor Airlines Flight 1808, which killed 8 people and stilled a big dream. The big dream of a little girl named Samantha Smith. Her dream was world peace. 2 years ago, when she was 11 years old, she carried that dream into the Soviet Union and onto TV screens and newspapers all around the world. The plane crash... Que se passe-t-il le 25 août 85, Karen Brémond? Samantha Smith revient avec son père d'un tournage d'un épisode de cette télésérie dans laquelle elle joue. Et accident d'avion, l'avion s'écrase et elle et son père, avec d'autres passagers, vont mourir. Elle a 13 ans à ce moment-là et ça fait effectivement 2 ans là, qu'elle a eu cette visibilité grâce à la lettre. Et c'est la tragédie. Au début, on suspectait peut-être un attentat soviétique. Évidemment, on a déterminé que c'était pas le cas. C'est vraiment un accident bête, comme il en survient régulièrement. Si on essaie de faire le bilan avec le recul, d'abord sur entre les deux parties, les États-Unis d'un côté, l'URSS, laquelle de ces deux parties a le plus profité de l'affaire Samantha Smith? Sans aucun doute, l'URSS. Les États-Unis n'avaient pas vraiment besoin, en termes de stratégie communicationnelle ou même de stratégie politique, d'utiliser le voyage de Samantha Smith pour présenter l'URSS comme étant un pays comme les autres. Il y a une mécanique plus large que ça qui alimente, si on veut, la politique étrangère américaine. Et les Américains ne sont pas hostiles au peuple soviétique nécessairement. Alors que l'URSS, elle, a utilisé Samantha Smith là, comme outil de propagande, comme outil de relations publiques, comme outil publicitaire, en fait, pendant de nombreuses années. D'ailleurs, quand elle est décédée, on a nommé un paquet de choses en son honneur, une fleur, un diamant, une rue, un astéroïde, justement parce qu'elle a été très importante pour la propagande soviétique. Déjà, pour renforcer cette idée auprès des Soviétiques que les États-Unis, ce sont eux qui sont fermés, ce sont eux qui sont guerriers, mais aussi pour montrer aux États-Unis à quel point bien, c'était possible d'imaginer une Union soviétique différente et à quel point les Soviétiques eux-mêmes étaient capables de compromis. Alors, c'est vraiment l'Union soviétique qui a davantage utilisé, je vous dirais, cette visite de Samantha Smith. Et sur le plan purement politique, est-ce qu'il y a eu un impact quelconque? Est-ce que cette affaire-là a eu un impact politiquement? Politiquement, c'est difficile de trouver la trace de l'impact de Samantha Smith. Quand on regarde les mémoires, les biographies, les documents qui sont produits, même les mémos présidentiels ou les documents en archives de l'administration Reagan, on ne retrouve aucune trace de cette histoire dans ces documents. Alors, on peut imaginer que c'était pas tellement fondamental pour cette administration-là. Et d'ailleurs, l'URSS avait aussi envoyé une autre petite fille aux États-Unis en retour, si on veut, en échange de bons procédés. Reagan l'avait reçu à la Maison-Blanche, mais là, on avait perdu cette spontanéité, on avait perdu cette fraîcheur-là que Samantha Smith avait. Mais politiquement, aux États-Unis, il n'y a pas eu d'impact très concret de cette visite de Smith. Ça nous ramène à cet exercice de relations publiques dont on parlait, qui a été extraordinaire. C'est un cas d'étude, mais qui ne reste que ça, parce que quand le président en place, quand il n'y a aucune mention de la visite, c'est une grosse affaire à l'époque pour les médias. C'est une histoire populaire, mais rien en termes de retombées politiques. En même temps, on peut quand même imaginer que ça n'a pas été vain, dans la mesure où il faut se rappeler qu'à cette époque-là, le président américain et les dirigeants soviétiques ne se parlaient plus. Depuis 1979, il n'y avait plus de canaux de communication ou à peu près. Et c'est Reagan qui va progressivement être convaincu de la nécessité de renouer les liens. Il faudra attendre 1985 pour une première rencontre entre Gorbatchev et Reagan. Et c'est pas Samantha Smith qui a initié ça nécessairement, parce que c'est la personnalité des deux hommes en particulier qui va jouer ce rôle d'unificateur. Mais cette idée de pouvoir rapprocher les pays belligérants, les pays ennemis, par l'entremise de relations personnelles, de naïveté, de fraîcheur, ben c'est quand même quelque chose qu'on a utilisé à bon escient d'une certaine manière, parce qu'on n'avait pas d'autre outil à cette époque pour communiquer. Et c'était, au-delà de l'opération de relations publiques, c'était quand même un événement qui a permis de rapprocher pendant quelques instants les deux peuples. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.